Salut, c'est Nicolas Riss. Bienvenue pour cette nouvelle chronique de Faune en alerte. L'écho de Xochimilco, le sourire de l'axolote. Aujourd'hui, je vous invite à plonger l'esprit dans des eaux troubles, des eaux qui reflètent à la fois une beauté ancienne et une tragédie moderne. Essayez d'imaginer. Au cœur des ténèbres d'un monde en mutation réside une entité d'une beauté surnaturelle. C'est lui, l'axolote. Concevez ses branchies fragiles, semblables à des couronnes de corail, et cet éternel sourire qui semble figé sur son visage. Ses yeux sombres paraissent déborder d'une curiosité pure. Il a l'allure d'un dieu déchu, d'un enfant éternel de l'eau. Mais ce sourire est un paradoxe, car l'eau qui l'entoure n'est plus le berceau cristallin qu'elle devrait être. Elle s'est transformée en un reflet déformé de nos inattentions, une brume de résidus et de poisons. L'axolote est la beauté polluée, et son histoire n'est pas seulement celle d'une espèce, c'est la nôtre. Pour comprendre l'axolote, il faut concevoir son unique maison. Il n'existe à l'état sauvage qu'à un seul endroit sur Terre, le complexe de lac de Xochimilco, près de Mexico. Ce n'est pas un lac ordinaire, c'est un labyrinthe de canaux, un vestige de l'empire aztèque. C'est la Venise de Mexico, avec ses tarineras, ses bateaux colorés qui glissent sur l'eau, et ses chinampas, ces incroyables jardins flottants créés par les Aztèques. C'est dans ce décor, à la fois mythique et grouillon de vie, que l'axolote est né. Son nom lui-même est une légende. Il vient du dieu aztèque Xolotl, le maître du feu, de la foudre et des difformités. La légende raconte que pour échapper au sacrifice, le dieu Xolotl s'est déguisé, se transformant en plusieurs créatures. Sa dernière transformation fut celle d'un axolote, avant d'être capturé. Cet animal est donc, littéralement, un dieu en fuite. Un seigneur caché dans l'eau. Et pendant des siècles, il y a régné. Mais il n'y avait pas prévu l'arrivée d'une menace plus grande que les autres divinités. L'expansion humaine. La biologie de l'axolote est aussi étrange que sa légende. C'est le Peter Pan du monde amphibien. La plupart des salamandres naissent dans l'eau avec des branchies, puis subissent une métamorphose. Elles développent des poumons et partent vivre sur de la terre ferme. L'axolote, lui, refuse de grandir. C'est ce qu'on appelle la néoténie. Il reste toute sa vie dans son état larvaire. Il garde ses branchies plumeuses, sa nageoire dorsale, et vit en permanence sous l'eau, tout en étant capable de se reproduire. Il est un enfant éternel. Et ce chérubin immortel possède un super pouvoir qui fascine nos scientifiques, la régénération. Un axolote ne se contente pas de se faire repousser une queue perdue. Il peut régénérer des pattes entières, sa colonne vertébrale, des parties de son cerveau et même de son cœur, sans la moindre cicatrice. Il est le maître de la reconstruction. Et c'est là que réside la plus cruelle des ironies. La créature capable de se régénérer elle-même est absolument incapable de survivre à la destruction de son habitat. L'être, qui peut recréer son propre cœur, ne peut rien contre l'eau que nous avons empoisonnée. Car aujourd'hui, Xochimilco est un écosystème à l'agonie. L'axolote sauvage est classé en danger critique d'extinction par l'UICN. Il est presque éteint dans son propre royaume. Dans les années 90, on comptait des milliers d'axolotes par kilomètre carré. Aujourd'hui, on parle de quelques dizaines d'individus, peut-être moins, survivant à l'état sauvage. Pourquoi ? La réponse est double, elle est brutale. La première, c'est la pollution. Xochimilco est cerné par l'urbanisation massive de Mexico. Les eaux usées, les métaux lourds et surtout les pesticides et les engrais chimiques issus de l'agriculture intensive sur ces mêmes chinampas, tout cela s'infiltre dans les canaux. Chaque petite onde qui effleure la peau délicate de l'axolote, qui est incroyablement peureuse, porte en elle les marques de notre indifférence. La deuxième menace est invisible, mais tout aussi mortelle, les prédateurs. Dans les années 70 et 80, pour nourrir la population, les autorités ont introduit dans les canaux des poissons non natifs. Deux en particulier, la carpe et le tilapia. ces poissons voraces ont tout dévasté. Ils mangent les œufs d'axolotes, ils dévorent les jeunes, et ils entrent en compétition pour la nourriture avec les adultes. L'axolote, qui était un prédateur tranquille dans son monde, est devenu une proie. Alors oui, l'axolote, par sa morphologie naturelle, semble toujours sourire. Mais aujourd'hui, ce sourire résonne différemment. Est-ce un sourire d'authentique bonheur ou le déguisement d'une résilience forcée? Un rappel saisissant que même la beauté la plus grandiose ne peut éviter les ombres que nous projetons. Ironiquement, l'axolote prospère en captivité, dans les laboratoires du monde entier où l'on étudie son pouvoir de régénération, dans les aquariums de milliers de passionnés où sa forme leucistique, rose pâle, est devenue une icône. Nous avons sauvé l'individu, mais nous avons abandonné son âme, son habitat. L'existence du dieu axolote dans ses flots troubles est une alerte muette. Jusqu'à quand ce sourire pourra-t-il encore apporter de la lumière dans un contexte qui s'assombrit? L'axolote nous interpelle. Son sourire pose une question. Sa beauté est un appel. Il est crucial d'intervenir maintenant, de soutenir des efforts de restauration des canaux de Xochimilco avant que sa joie, réelle ou supposée, ne soit irrémédiablement balayée. Avant que le dieu en fuite ne disparaisse pour de bon. J'espère que vous avez apprécié cette chronique et qu'elle vous a permis de prendre conscience de la fragilité du monde animal. Vous pouvez prolonger votre connaissance de la faune sur Behance et Instagram avec le nom Anicolaris. A-N-I-C-O-L-A-R-Y-S. Son berceau, le dieu colote, fuyant la mort, s'est caché dans l'eau, changeant de corps. Un Peter Pan, un enfant roi, qui garde ses plumes, ses branchies de soie, il flotte, il attend, dans le reflet trouble d'un monde qui l'oublie. Qui se dédouble. C'est le sourire de l'axolote, une beauté polluée qui s'étiole, un dieu qui sourit au milieu des poisons, le maître de la régénération qui meurt en silence. Guérir son propre cœur, recréer sa vie, vaincre la peur. Le maître de la reconstruction ne peut survivre à nos pollutions. La carpe vorace et le tilapia que nos mains ont mis là-bas dévore ses œufs, vole sa place et dans l'eau sale tout s'efface. C'est le sourire de l'axolote, une beauté polluée sourit au milieu des poisons, le maître de la régénération, qui meurt en silence dans sa maison. Il vit, il prospère en captivité. Dans les labos, on vient l'étudier. On a sauvé l'individu, mais son âme sauvage, on l'a perdue. Son royaume unique est un tombeau. Combien reste-t-il à Xochimilco? Un dieu qui meurt dans l'indifférence. C'est le sourire de l'axolote, une mort dépolluée qui s'étiole. Un dieu qui sourit au milieu des poissons, le maître de la régénération, qui meurt en silence